et ta loi est-elle juste selon Dieu? Si vous n'étiez pas quaker, vous seriez pendu pour parler ainsi. Je me pendrai moi-même, plutôt que de parler autrement, car j'ai pour toi une amitié véritable. S'il n'était vrai, docteur, que vous êtes mon ami depuis 20 ans, et que vous avez sauvé un de mes enfants, je ne vous reverrai jamais. Tant pis, car je ne te sauverai plus toi-même, quand tu es plus aveuglé par la folie jalouse des spéculateurs que les enfants par la faiblesse de leur âge. Je désire que tu ne chasses pas ce malheureux ouvrier. Je ne te le demande pas, parce que je n'ai jamais rien demandé à personne, mais je te le conseille. Ce qui est fait, est fait. Que n'agissent-ils tous comme moi? Que tout travaille et serve dans leur famille. Ne fais-je pas travailler ma femme, moi? Jamais on ne la voit, mais elle est ici toujours. Et, tout en baissant les yeux, elle s'en sert pour travailler beaucoup. Malgré mes ateliers et fabriques aux environs de Londres, je veux qu'elle continue à diriger, du fond de ses appartements, cette maison de plaisance, où viennent les lords, au retour du Parlement, de la chasse ou de Hyde Park. Cela me fait de bonnes relations, que j'utilise plus tard. Toby était un ouvrier habile, mais sans prévoyance. Un calculateur véritable ne laisse rien subsister d'inutile autour de lui. Tout doit rapporter, les choses animées et inanimées. La terre est féconde, l'argent est aussi fertile, et le temps rapporte l'argent. Or, les femmes ont des années comme nous, donc c'est perdre un bon revenu que de laisser passer ce temps sans emploi. Toby a laissé sa femme et ses filles dans la paresse. C'est un malheur très grand pour lui, je n'en suis pas responsable. Il s'est rompu le bras dans une de tes machines. Oui, et même il a rompu la machine. Et je suis sûr que dans ton cœur, tu regrettes plus le ressort de fer que le ressort de chair et de sang. Va, ton cœur est d'acier, comme tes mécaniques. La société deviendra comme ton cœur. Elle aura pour Dieu un lingot d'or, et pour souverain pontife, un usurier juif. Mais ce n'est pas ta faute. Tu agis fort bien, selon ce que tu as trouvé autour de toi, en venant sur la terre. Je ne t'en veux pas du tout. Tu as été conséquent. C'est une qualité rare.